طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد بن عبد الله محمد ابن صالح العثيمين أصول الفقه تعريفه la définition de أصول الفقه قال أصول الفقه يعرف باعتبارين. Donc là, il va définir le, il va définir ce qu'est usul al-fiqh, et ceci en le distinguant de deux façons, de deux manières. Al-awwal bi'atibar mufraday. Donc d'abord, il va définir usul al-fiqh en définissant chacun de ces mots. Usul min jiha, al-fiqh min jiha. C'est-à-dire, il va définir usul al-fiqh en définissant chacun de ces mots. Donc le mot usul d'un côté, sa définition, et le mot fiqh d'un côté avec sa définition. Voilà. يعني الأول باعتبار مفردي أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالأصول جمع أصل donc le mot أصول c'est le pluriel du mot أصل وهو ما يبنى عليه غيره وهو ما يبنى عليه غيره et donc le أصل c'est ce dont découle autre chose. C'est ce dont découle autre chose. وَمِنْ دَلِكَ أَصْلَ الْجِدَارِ Et fait partie de cela lorsqu'on dit la base du mur. La base du mur. وَهُوَ أَسَاسُهُ Et c'est-à-dire, ce sont les fondations du mur. تَمَمْ فَالْأَصْلَ C'est les fondations. تَمَمْ Les piliers. نعم. وَأَصْلُ الشَّجَرَ الَّذِي يَتَفَرَّغُ مِنْهُ أَخْصَانُهَا Comme le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, la base de l'arbre, duquel découlent les branches. Tamam. قال الله سبحانه وتعالى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ Allah سبحانه وتعالى dit dans Sourate Ibrahim, verset 24 Ne vois-tu pas l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné d'une bonne parole comparable à un arbre bon dont la base est ferme, ancrée et dont les branches sont dans les cieux ou dans le ciel. Donc ça c'est la définition du mot asl. C'est la définition du mot asl. Donc le asl Filora ou al-asas. Donc le as, c'est la base. Taïb. Wa kalimat fiqh. Wa al-fiqh, loratan al-fahm. Le fiqh, dans la langue arabe, c'est le fahm, c'est la compréhension. Falamma taqul faqahtu kalam akhina. ولم أفقه كلامه. Lorsqu'il dit لم أفقه كلامه, c'est-à-dire je ne comprends pas la parole d'un tel. فالفقه في اللغة c'est la compréhension. الفقه في اللغة c'est la compréhension. ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Taha, ou plutôt lorsque Moussa évoque son Seigneur et demande à Allah qu'il lui enlève un nœud sur sa langue afin qu'il comprenne sa parole. Il a utilisé le mot yafqahu, fiqh. Donc le fiqh, selon la langue arabe, c'est la compréhension. Ma yuridillahu bihi khayran, aish? يفقهه في الدين. Il lui donne la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de la religion. Donc ça, c'est selon la langue arabe. Le mot fiqh, selon la langue arabe. Il sous-entend al-fahm, la compréhension. Taïb, wastilahan. Mais en ce qui concerne le terme juridique, le terme de la jurisprudence, selon la jurisprudence, alors le fiqh, c'est ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya bi-adillatiha al-tafsiliyya. Bon, ça c'est des termes que vous allez peut-être avoir du mal tout de suite à assimiler. Mais Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, vous allez comprendre petit à petit. Donc il dit, c'est la connaissance, le fiqh, selon les gens de la jurisprudence, c'est la connaissance des règles religieuses qui concernent les mouvements ou les gestes. Et on va expliquer ça. Amaliyya. Les mouvements ou les gestes. Connaissance des termes religieux. Connaissance des règles religieuses qui concernent l'amal, les mouvements ou les gestes. Bi-adillatiha al-tafsiliyya. Avec ses preuves détaillées. Avec ses preuves détaillées. طيب. قال بعد ذلك. Et ensuite il dit sur Al-Taymiyyah, il explique ces paroles là. Il dit فمرادنا أو فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. Lorsque il dit que c'est la connaissance, yani la connaissance en arabe ça se dit معرفة. Et lorsque tu dis معرفة, ça sous-entend la connaissance ainsi que le dhan, la pensée. نعم. لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. نعم. Parce que certaines مسائل الفقهية, tu peux trouver la vie juste d'une manière sûre et certaine. Par exemple, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait ordonné de rien lui associer. Est-ce qu'il est permis de faire du shirk? Non. Est-ce que notre réponse dans cette masala-là, elle est avec sûreté? Avec yaqin? Naam. Taïd. Al-an, مسألة أخرى تحية المسجد مثلا. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation تحية المسجد? Le plus juste, c'est نعم. On va dire نعم. Mais est-ce qu'on va parler avec certitude? Non. On va parler avec ظن راجح. Parce que si c'était avec certitude, il n'y aurait pas de khilaf. Donc les masaïl al-fiqhiyya, vous allez voir, les masaïl al-fiqhiyya, elles sont entre la certitude, tantôt elles sont basées sur une chose certaine, et tantôt elles sont basées sur des choses posées sur un doute. Tamam. Taïb et Sufyan. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul inna ba'd adh-dhanni ithm. والله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن. الله سبحانه وتعالى il a évoqué le dhan, le fait de penser, il l'a évoqué en mal. Et il a blâmé ceux qui suivent les pensées. Alors comment là on dit que dans le fiqh il y a des choses, il y a des masael qui sont dhanniyah? طيب. Là, on vient de voir comme quoi le fiqh, dans le fiqh, il y a des masael qui sont ou dans lesquels le jugement le jugement dans ces masaïl là, il est soit sûr, basé sur le yaqin, ou soit basé sur une probabilité. Tamam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il a souvent évoqué la probabilité comme étant blâmable. Inna ba'da dhanni ithm. Certaines probabilités sont un péché. In yattabi'una illa dhann. Ils ne suivent que les probabilités. En parlant des kuffar. Donc tout ça, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé le fait de suivre les probabilités. Alors comment nous on dit que dans le fiqh, il y a des masael dont le jugement sur elle est sûr et d'autres dont le jugement est probable. C'est basé sur les preuves. C'est basé sur les preuves. C'est selon la compréhension, comme il y a des compréhensions qui divergent, et ben, on n'est pas sûr, chacun va avoir une compréhension différente, donc on ne va pas tous être réunis sur la même compréhension, donc il n'y aura pas d'unanimité. Pas toutes les... C'est-à-dire là, c'est pas ce dont Rasmoun Kanda il a évoqué. Jamil, on se rapproche là. C'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué. Hassan dit Asman. Famahou. T'as dit quoi, toi? C'est pas toutes les pensées qui sont mauvaises. Naam. Hadahou. C'est pas toutes les probabilités, toutes les pensées qui sont mauvaises. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqoul. Ida. اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر واحد. Le juge, s'il fait un effort dans une masala quelconque, ça c'est un hadith du prophète sallam, si le juge il fait un effort de jugement et il vient avoir juste, il aura deux récompenses. Et s'il vient se tromper, il aura une récompense. Ça montre que la probabilité est bel et bien présente dans les jugements religieux. Naam. Et que elle n'est pas blâmable dans tous les cas. Mais celle qui est blâmable, c'est celle où il n'y a aucun effort, aucun ijtihad. Il n'y a aucun effort de fait pour atteindre la vérité. Par exemple, tu demandes à un ami est-ce qu'ils ont déjà prié, et lui dit Wallahi ma yani avant annahum sallu. Je pense que il est probable qu'ils aient prié. Est-ce que ça c'est tu peux prendre sa parole? Hein? Tu peux construire sur sa parole quelque chose? Non, parce qu'il n'y a pas là. De parce qu'il y a ma fi ijtihad wala shay. Bi khilaf man ijtahada fi mas'ala wa qala ara anna al-mas'ala al-fulaniya hukmuha kadha wa kadha. Contrairement à celui qui fait un effort dans une mas'ala, dans un point religieux, et qui dit, ben, je vois que dans ce point-là, la vie juste, c'est ceci et cela. Ça va? Al-Muhim, c'est pas difficile, c'est juste un terme, yani en terme linguistique, c'est un peu difficile à assimiler, mais sinon, Inch'Allah, vous allez prendre du plaisir. Fima ba'a. Dans ce fan là, dans cette matière. طيب قال بعد ذلك العلم طيب فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. طيب والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقة من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية. Donc lorsque Cheikh Al-Uthaymeen définit le fiqh selon le linguistique de la jurisprudence et qu'il dit que c'est la connaissance des règles religieuses, il a sorti par le mot les règles religieuses, il a sorti les règles relatives au aql, à la raison. Par exemple, le fait de savoir que le feu brûle. Ça, c'est une règle qui convient à la raison. Ça, c'est pas du fiqh. Ça, ça rentre pas dans le fiqh. Celui qui a compris que le feu brûle, on peut pas dire que c'est un faqih. On peut pas dire que il est connaisseur de la jurisprudence. Tamam? وكذلك فقال فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. Comme le fait de savoir que une chose entière c'est plus grand que une partie. Une chose entière, c'est plus grand que sa partie. Ça, c'est avec le aql, tu sais ça. T'as donc ça, ça ne rentre pas dans le fiqh. Le fiqh, c'est khas bi al-ahkam shar'iyya. Wakadalika kharaja bi qawlina hadha al-ahkam al-adiyya. Kama'rifat nuzul al-tal fi al-laylati al-shatiyya idha kan al-jo sahwan. Et aussi, lorsqu'on emploie le terme ahkam shar'iyya, les règles religieuses, on exempt les règles qui concernent les habitudes. Les habitudes. Par exemple, le fait que, comme là il dit, la descente de la brume. La descente de la brume, lorsque la nuit est fraîche, au matin, tu trouves une brume. C'est comme ça que ça s'appelle la brume, hein, c'est ça non. La rosée. Non. La rosée, un tal. Donc ça, tu le sais par rapport à des, par rapport à une habitude, des règles habituelles, tamam. Et tu ne sais pas ça par des règles, par rapport à des règles religieuses. Donc le fiqh, c'est en relation avec des règles religieuses. Ça va ? قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد. Et lorsqu'il dit que le fiqh, c'est une connaissance des règles religieuses qui concernent des gestes et des mouvements. Bon, j'ai traduit qawlahu amaliya par des gestes et des mouvements. Il t'explique là, amaliya, gestes et des mouvements, ça fait sortir les règles religieuses relatives à la croyance. Al-iman bil qadar, al-iman billah, al-iman bil malaika. Tout ça, ça ne s'appelle pas du fiqh selon le linguistique des gens de la jurisprudence. Même si c'est en vérité, c'est du fiqh. En vérité, c'est du fiqh. Le fait de connaître Allah Azza wa Jal, ou l'aqida, ou mada, yani al-iman billah, wa malaikati, wa kutubihi, wa rusulih. كل هذا من الفقه الأكبر. Ça fait partie de la plus grande des sciences. Mais lorsqu'on parle en termes de la jurisprudence, avec les termes de la jurisprudence, ceci ne fait pas partie du fiqh. Quand tu dis ça fait partie du fiqh, c'est dans la langue arabe. Dans la langue arabe, naam. Et aussi, si on évoque la législation ou le linguistique des gens du tawhid. Les gens de Tawhid ou de l'Aqid. Ça y est ? Donc, le fiqh, c'est khas bil af'al, kas salah, wa zakah, wa ma ila dhalik. Tamam ? Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, ka Tawhid Allah, wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, fa la yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Donc, ça, on n'appelle pas ça du fiqh. Le tawhid ou l'aqidah, on n'appelle pas ça du fiqh selon les gens de la jurisprudence. Taïb. Wa al-murad bi qawlina bi adillatiha al-tafsiliyya adillat al-fiqh al-maqruna bi masail al-fiqh al-tafsiliyya fa kharaja bihi usul al-fiqh li'an al-bahth fihi innama yakunu fi adillat al-fiqh al-ijmaliyya. Donc lorsqu'il dit Et c'est donc le fiqh, c'est la connaissance des règles religieuses relatives aux gestes et aux mouvements en s'appuyant sur des preuves détaillées. Lorsqu'il parle des preuves détaillées, il a sorti tout ce qui est preuve vague et non détaillée, globale. Parce que les preuves qui sont globales, ça, c'est pas dans le fiqh, mais c'est dans usul al-fiqh. À la kulli hal, peut-être c'est un peu difficile, ce genre de paroles, mais inshallah, en rentrant dans le livre, vous allez mieux comprendre. Parce que, en vérité, il faudrait faire une différence, il faut faire une différence entre eux, et peut-être ça, on l'écrira dans le prochain cours. La différence entre usul al-fiqh et qawa'id al-fiqhiyya. Nahnu al-an fi usul al-fiqh. Hakada? Hakada? Na'am. Wa fi al-layl fi qawa'id al-fiqhiyya. Ma huwa al-farq bayn hadha wa hadha? Qui c'est qui connaît la différence entre usul al-fiqh wa al-qawa'id al-fiqhiyya? Jamil. Jamil. Jamil. C'est une chose qui a été dit comme quoi usul al-fiqh, c'est la muqaddima. Usul al-fiqh, le dars dans lequel on est là, c'est l'introduction, ça précède les qawa'id al-fiqhiyya. Wa usul al-fiqh, si tu veux usul al-fiqh, c'est le regard du savant qui va avoir dans le hadith ou dans l'ayah. Et il va te sortir le jugement. Tamam? Il va te sortir un jugement du hadith ou du ayah. Par exemple, wa aqimus salah. Établissez la prière. Lui, il va regarder dans le verset. Hop, il va voir que la base min usul al-fiqh, c'est que Al-Amr yufid al-wujub. C'est que l'impératif, lorsque tu te trouves dans une phrase, il sous-entend l'obligation. Tamam? Donc lui, il va venir dans ce ayah-là et il va dire khalas, la salat, elle est obligatoire. Il va te prendre le jugement en prenant le en regardant dans le hadith. Tandis que qawa'id al-fiqhiyya, lui, qawa'id al-fiqhiyya, lui, il va regarder dans beaucoup de masa'il. C'est une matière qui regarde dans beaucoup de... Elle va prendre beaucoup de points, beaucoup de masa'il, et elle va tous les regrouper en dessous d'une règle. Par exemple, al-mashaqqa tajlib al-taysir. La difficulté entraîne la facilité. Ça, c'est une qa'ida. Mais cette qa'ida-là, lui, il l'a pas pris. Il a pris d'un dalil. Mais si tu veux, il n'est pas venu avec cette... il n'est pas venu pour imposer un jugement. Comme l'obligation, ou l'interdit, ou comme quoi c'est mubah, ou autre. Ça, c'est dans usul al-fiqh. Al-muhim. Si vous ne comprenez pas tout de suite, ça va venir au fur et à mesure des jours. Ça va? Parce que ça, c'est une matière, elle est nouvelle. Et ma'al asaf al-shadid, cette matière-là, ceux qui l'ont beaucoup utilisée, ce sont Ahl al-Kalam. Les gens qu'on appelle Ahl al-Kalam, c'est plus des philosophes ou... Allez, quoi? Les gens de la rhétorique. Rhétorique. C'est pourquoi tu vas trouver que certaines formules sont difficiles à assimiler. Certaines formules sont difficiles à assimiler. Ah, monsieur, toi tu prends ce qui est simple du livre. Les choses qui sont simples. Par exemple, lorsqu'on va venir dans qu'est-ce que l'âme? C'est quoi une chose qui est globale? Comment tu sais que dans le verset là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle pour tout le monde? Comment tu sais que là c'est spécifique à une partie de la communauté. On va voir aussi dans ce livre-là, c'est quoi le nasikh ou le mansour. C'est quoi une chose qui abroge et c'est quoi une chose qui est abrogée. Et à quel moment, comment tu reconnais l'une de l'autre. En vérité, c'est un dars, il est super, super important pour toute personne qui aspire à avancer dans la science et à comprendre surtout la religion. Et est-ce que au seul al-fiqh, tu peux, est-ce que les fawaid qu'on va prendre dans le seul al-fiqh, tu peux les utiliser dans le tawhid, dans le hadith, dans la lora? Qu'est-ce qu'on vient de voir là-dessus? En fait, tu peux toujours répéter. Yani, est-ce que les fawaid, les leçons à tirer de Usul al-Fiqh, on peut les utiliser dans d'autres matières? Par exemple, comme quoi, Al-Amr, Yufid al-Wujub, Wal-Nahi, Tufid al-Fasad, Ghayr dhalik. Ouais. Naam, tu peux l'utiliser dans le tawhid, tu peux l'utiliser dans la langue arabe, tu peux l'utiliser dans le hadith. Wa halum majar. Naam. Wa naktafi bi hadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Bon, c'est un peu difficile, mais inchallah, tasbirou. Est-ce que tu veux dire demain?